Non mais c'est que ça... Mon ordi c'est tout éteint. On va faire un refrain. un refrain. On veut toujours ce qu'on a pas. Coco, il m'a bien fait marrer. Il fait un truc avec une boucle, deux accords. Thank you. We'll be right back. Okay.